Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, la loi visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité. Le 12 juillet 2023, l'Assemblée nationale puis le Sénat ont définitivement adopté la proposition de loi après accord trouvé en commission mixte paritaire le 6 juillet. En voici l'essentiel. Alors cette proposition de loi, qui a été donc amendée par les parlementaires et sénateurs, modifie le Code du travail sur plusieurs points. Et cela pour garantir la protection contre le licenciement des salariés pendant le congé de présence parentale. Ou bien encore, cette loi allonge le congé pour décès d'un enfant à 14 jours minimum s'il a moins de 25 ans, contre 7 jours aujourd'hui, et à 12 jours minimum s'il a plus de 25 ans, contre 5 jours actuellement. Il faut savoir que sur amendement du gouvernement, les autorisations spéciales d'absence accordées de droit aux agents publics en cas de décès de leur enfant sont alignées sur le congé pour décès d'un enfant d'un salarié du privé. Ensuite, est porté à 5 jours minimum le congé pour annonce de la survenue d'un cancer, d'un handicap ou d'une pathologie chronique de l'enfant, contre seulement 2 jours aujourd'hui. Ensuite, il y a également cette garantie de l'accès au télétravail des salariés aidant un enfant gravement malade ou handicapé. Un employeur ne pourra donc pas refuser l'accès au télétravail à ses salariés sans motiver son refus, comme c'est déjà le cas pour les travailleurs handicapés ou bien encore les salariés proches aidants d'une personne âgée. Ensuite, la proposition de loi contient un second volet, et cela pour accélérer les aides financières versées aux parents. En effet, les caisses d'allocation familiale vont pouvoir verser des avances sur l'allocation journalière de présence parentale sans attendre l'avis du service du contrôle médical des caisses primaires d'assurance maladie. Ensuite, le caractère explicite de l'accord du service du contrôle médical pour le renouvellement de l'allocation est supprimé. La mesure d'écrêtement également de cette allocation et de l'allocation journalière de proche aidant pour les travailleurs indépendants et demandeurs d'emploi est également supprimée. Enfin, par ailleurs, les CAF devront expérimenter dans 10 départements et pendant 3 ans des dispositifs pour mieux accompagner les parents bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, avec l'objectif de les prémunir de difficultés financières et bien entendu de simplifier leur parcours. Cette expérimentation fera l'objet d'un rapport d'évaluation. Le texte a été complété par un amendement issu d'une proposition de loi de la Fédération Garantir Cancer afin de mieux protéger le droit au logement des parents d'enfants malades ou handicapés. En effet, lors du renouvellement du bail, les propriétaires ne pourront plus donner congé à des locataires bénéficiaires de l'AJPP, donc l'allocation journalière de présence parentale, disposant de faibles revenus en l'absence de solution de relogement proposée. En effet, d'après les enquêtes menées par cette fédération et l'association Eva pour la vie, près de la moitié des familles questionnées ayant à charge un enfant malade ou handicapé déclarent rencontrer des problèmes financiers avec la charge du logement. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.